Il faudra me nettoyer, il faudra me réparer. Plutôt ce matin, j'ai écrit dans un calepin toutes les choses indigestes pour ne plus qu'il en reste. Et quand la nuit venue, je deviens congru comme les constellations.